Le lendemain, 19 février, je racontais aux Canadiens les incidents de la veille, dans le secret espoir de le ramener à l'idée de ne point abandonner le capitaine. « Enfin, dit-il, tout n'est pas fini. Une autre fois, nous réussirons. Et dès ce soir, s'il le faut. Eh bien, à midi, nous verrons le point. » Le Canadien retourna près de Conseil. Nous tournions le dos à l'Europe. Plus de terres en vue, rien que la mer immense. À midi, le soleil se montra un instant. Une heure après, la position de Nautilus était à 150 lieues de la côte la plus rapprochée. Il n'y avait pas moyen de songer à fuir, et je laisse à penser quelles furent les colères du Canadien quand je lui fis connaître notre situation. Le soir, vers 11 h, je reçus la visite très inattendue du capitaine Nemo. « Je vous proposerai une curieuse excursion. Vous n'avez encore visité les fonds sous-marins que le jour et sur la clarté du soleil. Vous conviendrait-il de les voir par une nuit obscure ?»« Très volontiers. Venez donc, monsieur le professeur. Nous allons revêtir nos scaphandres. » En quelques instants, nous eûmes revêtu nos appareils. J'achevais de me harnacher. Je sentis qu'on me plaçait dans la main un bâton ferré et, quelques minutes plus tard, après la manœuvre habituelle, nous prenions pied sur le fond de l'Atlantique à une profondeur de 300 mètres. Minuit approchait. Le capitaine Nemo me montra dans le lointain un point rougeâtre, une sorte de large lueur qui brillait à 2000 environ du Nautilus. Le capitaine Nemo et moi, nous marchions l'un près de l'autre, directement sur le feu signalé. Le sol plat montait insensiblement. Nous faisions de l'argent enjambé, nous aidant du bâton. Mais notre marche était lente, en somme, car nos pieds s'enfonçaient souvent dans une sorte de vase pétri avec des algues et semé de pierres plates. Après une demi-heure de marche, le sol devint rocailleux. Le pied me glissait souvent sur ces visqueux tapis de varech et, sans mon bâton ferré, je serais tombé plus d'une fois. Notre route s'éclairait de plus en plus. La lueur blanchissante rayonnait au sommet d'une montagne haute de 800 pieds environ. Au milieu des dédales pierreux qui sillonnaient le fond de l'Atlantique, le capitaine Nemo s'avançait sans hésitation. Il était 1 h du matin. Nous étions arrivés aux premières rampes de la montagne. Mais, pour les aborder, il fallut s'aventurer par les sentiers difficiles d'un vaste taillis. Oui, un taillis d'arbres morts sans feuilles, sans sève, arbres minéralisés sous l'action des eaux, et que dominaient çà et là des pins gigantesques. C'était comme une houillère encore debout. À droite, à gauche, se creusaient de ténébreuses galeries où se perdait le regard. Ici, s'ouvraient de vastes clairières que la main de l'homme semblait avoir dégagées, et je me demandais parfois si quelque habitant de ces régions sous-marines n'allait pas tout à coup m'apparaître.